Je veux vivre autre part, tu m'as blessé, ça y est c'est trop tard. Je peux plus dormir, je suis fait d'or frère. Si tu es gros cop, je suis fait d'or frère. J'ai besoin de personne, j'ai besoin d'air. J'ai tiré ce bar, j'ai fait chauffer le joint d'herbe. Ça va reprendre le terrain, contrôler la zone. Comme la famille Shelby dans Peaky Blinders. Petit couteau dans la banane, pas de couteau dans la cosa. Soudé comme Tony et Manu, putain je suis comme dans Mafiosa. Ça fait le signe d'où jusqu'au Vietnam. Ça prend la caisse, ça monte à Amsterdam. Parce qu'il y a beaucoup de fake sur Instagram. En fait, il a pas d'âme. La moto elle pète dans les rues étroites. Je m'entraîne à lever de la main droite. Je pourrais te faire un album dans la grotte. J'ai mis la vodka dans les biens. Tu veux te battre, allez bien. Je dis ma vie en rêvant, me comme si tout allait bien. Et je m'en fous totalement. Je suis le bolier d'italien et l'allemand. Poto, tu avais de l'or dans les mains. Elles ont fini dans la mer finalement. Je pars fort, je patine. Je suis en denrée, platine. Et ramène ta team. Conseil et tartine. Je pars fort, je patine. On vit dans un monde d'enculés. Et ils ont du culot, ils aiment te voir reculer. Et moi je vis ça comme un miraculé. Je suis sorti de la chambre, je les ai tous enculés. Avec des flots de fous qui font bouger ta daronne. J'ai des défauts mais j'ai quand même une parole. Dans ma tête c'est noir, dans mon cœur c'est poreuse. Rafale vocal, c'est un braquage, lâche ta rose. Faux, ils me paraissent, des gens qui veulent se voler à moi. Ils mettent mal à l'aise. Crois-toi que j'ai peur toi, ouais même si ça t'es pas à l'aise. Tu peux être carré comme un mur et grand comme une falaise. Chante comme à l'ancienne et là je suis trop à l'aise. Ça me rappelle mes premiers shows vers Abdou Alès. Faut la mettre en finesse, eux ils caressent. Et ouais ma race sont techniques. Je pars fort, je patine, chante en riz platine et ramène ta team, conseil et tartine. Je pars fort, je patine, chante en riz platine et ramène ta team, conseil et tartine. Que ça prend des risques sur des motos volées avec des guitares et des écharponnés. Je te ferai pas confiance, ouais, même si tu me promets. J'entends d'avant la machine, tu reconnais. Je vais te laisser des vues, même si t'es abonné. Tes piques à deux balles, c'est tes téléphonés. Et dans leurs clips, ils sont plein de pistolets. Avec gros, je leur pissonnais. Demande pas d'où je suis, me demande pas qui je connais. Et je savais pas que des mecs michetonnaient. Avec leur dégaine de chaque de cachetonnés. Et c'est pas ma faute si t'as pas cartonné. Fais attention si tu fais beaucoup de cash money. Si ça t'a questionné, que tu les as cash donné. Même dans la Twingo, moi je coincé des poneys. Je faisais chauffer l'embrayage déconné. En ce moment, je capte pas, je vis dans la forêt. Je suis loin des bâtards, très loin des coups fourrés. Je pars fort, je patine. Chante en riz platine. Et ramène ta team. Algérien. Je fais danser les mémés et les mômes. Une chambre, un mic, besoin du minimum. Je suis dans ma bulle, je suis dans un mini-monde. Et c'est que le 7ème pète, vers minuit il monte. Je vois des choses immondes, quand le tonnerre il gronde. Je pars fort, je patine. Chante en riz platine. Et ramène ta team. Conseil et tartine. Ouais. Ok, ok, ok. J'arrête, hein. Ce serait comme essayer d'éteindre la lune, bande d'enculés. Ah, j'en ai fait du chemin. Putain de merde. 20 albums, 20e match, et j'annonce 20e but. Et c'est pas fini. Ouais, je préfère tout là-bas. Après, je vous vois passer avec JCVD dans la voiture, bande d'enculés. Du mal toute l'année, après quand tu les croises ils te sucent. Ils font leur vis, après ils te sortent des excuses. Hein? Au gratte buzz. J'ai plus trop le même train de vie. Ça fait mal au cœur quand tes anciens. tes amis, parle avec tes ennemis. Quand tu allais, je revenais.